Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. À l'heure où l'Ukraine se rapproche de l'Europe, où la Crimée adhère à la Russie de Vladimir Poutine, à l'heure où tout le monde s'interroge sur leur devenir, le Salon Noir pouvait-il jeter un regard, un œil d'archéologue sur une des plus importantes civilisations du XXe siècle de notre ère, la civilisation soviétique ? Une chose est sûre, l'archéologie s'arrête hier, ainsi des archéologues réexhument notre passé contemporain. Des fouilles sont entreprises sur des vestiges des années 80. Quoi qu'il en soit, peut-on parler de civilisation pour l'Empire soviétique ? Archéologue et historien, Tallinn Termination, François Gentilly, bonjour. Bonjour. Bonjour. Historienne, professeure Aline Alco, co-directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques, Tallinn Termination. Vous venez de publier Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques aux presses universitaires de Rennes. Fameux médiéviste et archéologue de l'INRAP, François Gentilly, vous avez trouvé à vous seul les plus extraordinaires vestiges de l'Empire soviétique. Vous nous raconterez. Mais auparavant, et puisque vous êtes médiéviste, rappelons qu'aujourd'hui, ce 18 mars 2014 n'est pas un jour comme les autres dans l'histoire de notre Moyen-Âge, François Gentilly. Oui, avec Maurice Druon, on va dire qu'ils soient tous maudits, le bûcher de Jacques de Molay. C'est une affaire qui les Templiers, une affaire qui sent un peu le soufre, un petit peu comme l'archéologie stalinienne. Brûlé sur le pont Neuf, c'est bien ouais, ça qui n'existait pas encore à l'époque. Voilà. Donc, revenons à notre sujet, Tallinn Termination. Peut-on réellement parler de civilisation pour cette période soviétique ? On va dire, dans une certaine mesure. Bien sûr, dans une certaine mesure. Par civilisation, je n'entendais pas forcément une connotation positive. C'est un simple constat que, effectivement, ce régime soviétique s'est étendu pendant presque tout le XXe siècle sur l'immense continent eurasiatique. C'est une civilisation qui devient une civilisation urbaine à partir des années 60, date à laquelle la population de l'URSS devient majoritairement urbaine. Et elle se caractérise effectivement par une production monumentale assez remarquable, étendue à l'échelle de ce vaste continent. Des monuments qui ressemblent un petit peu aux monuments construits par les Romains, des colonnes commémoratives dressées, des théâtres, des cirques voués à l'édification populaire. Donc une production monumentale qui en effet ressemble à celle d'une civilisation. Donc ce terme, je l'emploie en réalité pour désigner le legs, les traces matérielles, mais aussi tout ce qui, aussi bien dans l'héritage matériel, mais aussi dans les mentalités, tout ce qui a pu survivre à l'URSS au-delà de son effondrement, au-delà de l'effondrement du régime politique en 1991. Qu'en pensez-vous, François Gentilly, vous qui avez aussi la profondeur du temps, puisque vous êtes médiéviste? Oui, on a souvent comparé la période soviétique aux Romains avec la disparition des empires. On a tendance quelquefois à noter plutôt la continuité entre l'Empire russe jusqu'à la Russie de Poutine, mais quand même une culture matérielle spécifique, une idéologie, une fin qui ressemble un peu à celle des empires disparus, tout ça fait quand même penser. Les effondrements, les collapses. Mais on ne connaît pas la suite, donc il faut quand même se garder. Mais je dirais quand même oui. Et puis elle voulait être éternelle aussi, sûrement. Existe-t-il un patrimoine soviétique ? Oui, probablement. Alors, existe-t-il ? C'est évidemment toute la question qui est posée dans cet ouvrage. Pour nous, ce patrimoine soviétique existe dès lors que justement on s'intéresse à cette civilisation soviétique. Maintenant, est-ce qu'il existe sur place dans les États qui ont succédé à la chute de l'URSS ? Ça, c'est une autre question. Bien souvent, les dirigeants, enfin les instances qui s'occupent du patrimoine dans ces pays regardent sous un œil assez méfiant le legs soviétique. En tout cas, la manière dont on envisage ces édifices et ce patrimoine soviétique est souvent révélateur du rapport que les régimes actuels entretiennent avec le passé communiste. Et la façon dont on entretient ou on n'entretient pas ces édifices est donc un révélateur assez pertinent. Taline Terminassian, le patrimoine pré-soviétique a été muséifié, vous dites même pushkinisé. Oui, alors pourquoi Pushkin arrive ? Pushkin arrive là dans cet ouvrage à travers un exemple précis qui concerne donc une demeure patrimoniale aristocratique des environs de Moscou qui donc a été expropriée à la suite de la révolution de 1917. Et donc ce qui est raconté ici, c'est la manière dont un domaine anciennement aristocratique peut être patrimonialisé dans le contexte soviétique. Et effectivement, Pushkin, le poète russe par excellence, est le détour patrimonial souvent emprunté par les musées réserves qui existent en Union soviétique et encore jusqu'à aujourd'hui. Détour par lequel on va pouvoir évoquer auprès du grand public la Russie éternelle, la Russie du 19e siècle, etc. Donc la pushkinisation est l'une des modalités de la muséification, de la patrimonialisation. C'est ce que l'auteur de cet article, Alexandra Galizine, appelle une espèce de stratégie d'évitement, de contournement des propriétaires légitimes de ces domaines. Et tout ça pour les besoins de l'édification populaire, c'est bien ça aussi ? Oui, pour les besoins de l'édification populaire, parce qu'en URSS, en effet, on était très attentifs justement à faire visiter au peuple donc les maisons, musées des grands génies littéraires, artistiques, historiques, etc. En 22 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, de l'URSS, y a-t-il eu beaucoup de destruction de vestiges soviétiques ? Alors justement, c'est tout à fait intéressant. On n'a pas fini justement de faire la recension de ces destructions. En tout cas, une partie de ces vestiges soviétiques ont été abandonnés. Tout dépend évidemment de quoi on parle. Si on parle des statues, on sait bien que l'aspect le plus spectaculaire de la chute de l'URSS a été le déboulonnage des statues de Lénine, de Dzerzhinsky, etc. Enfin, de tous ces héros soviétiques à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Mais en même temps, il faut savoir que dans les provinces russes, ces mêmes statues de Lénine, par exemple, sont restées tout à fait en place. Donc là, il y a quand même un différentiel qui est intéressant à explorer et qui est très révélateur, encore une fois, de la relation qu'on entretient évidemment avec le régime soviétique, avec le patriotisme néo-soviétique dans la Russie d'aujourd'hui. Enfin, c'est une dimension très intéressante à explorer de ce point de vue-là. Il y a bien sûr toute la question des édifices de prestige, des édifices de l'architecture, alors qu'ils sont pour les uns plus ou moins laissés à l'abandon, rachetés par des oligarques, transformés en entrepôts dont l'usage est parfois complètement détourné. Donc là, bien sûr, c'est une question immense parce que ce patrimoine, bien souvent, a été privatisé. Il y a d'autres édifices qui ont été carrément détruits. Je pense en particulier aux initiatives prises en Géorgie à l'époque où Saakashvili était au pouvoir. Saakashvili, qui, comme vous le savez, avait pour ambition de raccorder la Géorgie, d'arrimer la Géorgie à l'Occident et donc d'effacer toute trace du régime soviétique du sol de la Géorgie et qui donc n'a pas hésité à faire sauter, y compris des monuments commémoratifs à la Grande Guerre patriotique, je crois, en faisant d'ailleurs quelques victimes. Et puis en Arménie, il y a aussi ce fameux bâtiment, l'épi de maïs, non ? Alors c'est bien oui, ça, en Arménie, donc, en effet, le fameux épi de maïs qui aurait fait le bonheur de Frédéric Chauvin, le spécialiste de la photographie de l'architecture des années 70-80, s'il avait pu le photographier, puisqu'en effet, cet épi de maïs a été racheté par un oligarque. C'était un élément iconique de la skyline de Yerevan des années 70-80. Et effectivement, l'objet a été volatilisé. De même qu'aujourd'hui, on s'attaque, je n'aurais pas cru, mais on s'attaque aussi à certains édifices de l'époque stalinienne, dont je pensais qu'ils étaient parfaitement parfaitement patrimonialisé parce que édifié en style néo-arménien. Or, je constate qu'à Yerevan aujourd'hui, par exemple, avec l'édifice du nouveau marché, du marché, eh bien, il y a eu aussi des manipulations et des destructions opérées sur ces bâtiments. François Gentilly, le chef-d'œuvre de l'art soviétique des années 30-37, la Kolkhozienne et l'ouvrier, avait bien été démonté, c'est bien ça ? Oui, rangé dans un hangar. C'est d'abord un monument parisien. C'est la partie du pavillon soviétique qui est rapatriée après l'expo de 1937, puisque c'était une des grandes gloires de Paris, le pavillon soviétique face au pavillon nazi, rappelez-vous. Et démonté, il est réédifié dans le parc des réalisations économiques à Moscou, dans la banlieue de Moscou, jusqu'en 2003. En 2003, il s'effondre plus ou moins sur lui-même, parce que ces géants inoxydables qui étaient devenus l'emblème de l'URSS, l'emblème de Mosfilm, se ratatinaient de l'intérieur. L'extérieur était inoxydable, l'intérieur était totalement rouillé. Et donc, on pensait que ça serait définitivement abandonné. Et on a eu la grande surprise... Et de voir en fait une reconstruction complète. Et en Ukraine, à l'heure actuelle, aujourd'hui, que se passe-t-il ? On déboulonne des sculptures soviétiques ? Et ça vous montre un petit peu l'enjeu, le caractère encore étonnamment d'actualité de ces affaires. C'est que d'un côté, on déboulonne ce qui reste de statues de Lénine en partie ouest de l'Ukraine. Enfin, et les informations expliquent également que dans l'est de l'Ukraine, on fait des tours de garde autour des statues de Lénine pour les protéger. Vous voyez, ce sont des éléments, des emblèmes qui ont encore une puissance politique importante, un enjeu important. Taline, termination, saurait-il dire que toutes les sculptures, toutes les statues, par exemple, de Lénine, auraient été déboulonnées dans l'ex-Union soviétique ? Non, pas du tout. Non, toutes n'ont pas été déboulonnées. Non, c'est bien ce que j'ai mentionné tout à l'heure, mais elles ne subissent pas le même traitement partout. Bon, par exemple, dans les anciennes républiques baltes, c'est évident que ces statues ont été enlevées. Elles ont même été littéralement parquées dans des espèces de Luna Park destinées justement à illustrer les méfaits du passé soviétique. Mais elles sont l'objet véritablement d'un traitement tout à fait différentiel. En Arménie, par exemple, la statue de Lénine a été déboulonnée de façon tout à fait spectaculaire. Elle a même été décapitée. Enfin, certains anthropologues se sont intéressés à cette cérémonie au début des années 90. Après, il y a eu toute une controverse à propos du piédestal de cette statue de Lénine qui était lui-même sculpté dans une architecture néo-arménienne des années 30 ou 40, enfin de style en tout cas néo-arménien. Et là, on a vu toute une mobilisation patrimoniale pour la défense du piédestal de la statue, qui lui-même d'ailleurs n'a pas été sauvé. Donc effectivement, il y a encore beaucoup à faire sur le sort de cette immense production artistique de l'époque soviétique, dont François on ne sait Gentilly. Pas d'ailleurs où est-ce qu'elle est passée pour une grande partie d'entre elles. Pour rebondir parallèlement à ceux qui ont vu la cérémonie d'ouverture des JO de Sochi, on a vu ressurgir la tête, les têtes de l'ouvrier de la Kolkhozienne, accompagnées de leurs marteaux et de leurs faucilles, plus que grandeur nature, au milieu de la commémoration, ce qui montre un petit peu le caractère emblématique encore à l'heure actuelle de ces éléments. Taline, termination, vous travaillez en Arménie, notamment sur un petit temple romain. Un petit temple romain, mais aussi soviétique. Oui, alors ce petit temple est constitue l'un des chapitres de cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif, il faut le préciser. Donc il s'agit d'une petite étude consacrée à un édifice qui est tout à fait iconique et célèbre dans tous les guides proposés, bien sûr, à la visite à tout touriste qui voudrait visiter l'Arménie. Il s'agit du temple de Garni, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Yerevan, qui est un très joli petit édifice présenté parfois comme hellénistique et qui en fait se révèle être plutôt peut-être un temple romain et plus probablement d'ailleurs pas du tout un temple, mais peut-être sans doute une tombe romaine. Et donc ce que je montre dans cet article, c'est la manière dont cet édifice a été bien sûr investi par le sentiment national arménien à partir du 19e siècle, enfin à partir de l'invention de la notion du patrimoine, disons à partir de la moitié du 19e siècle, et comment le projet de reconstitution de ce temple, c'est-à-dire son anastylose, devient l'obsession des architectes et des archéologues qui y voient une sorte de symbole et de priorité nationale. L'épisode donc montre comment, en l'espèce, cet épisode, enfin, comment cet objet archéologique et architectural, donc comment il devient le symbole finalement de la du raccord à l'universel d'un petit peuple qui est en quelque sorte excentré à la marge des empires. Et donc de cette manière-là, l'histoire de l'Arménie se raccorde à l'histoire des grands empires, de l'empire hellénistique, de l'empire romain, etc. Donc c'est un cas d'étude très intéressant. Et effectivement, j'appelle ce temple romain finalement soviétique parce que son anastylose a finalement eu lieu dans les années 70, et je crois que cette technique est véritablement très voyante, et donc je fais ce raccourci peut-être un peu provocateur. En tout cas, c'est l'unique temple romain en Union soviétique, donc c'est pas inintéressant. Alors, je crois, mais j'espère que vous allez vérifier cette assertion. Il nous manque un antiquiste distingué autour de mais cette table. J'ai posé la question auprès de certains de mes amis antiquistes, effectivement. Et là, dans une sorte de raccourci diachronique, vous n'hésitez pas à comparer l'Empire romain à l'Empire soviétique ? Oui, c'est une comparaison que j'assume tout à fait. Comme je vous l'ai expliqué, il me semble que dans ce rapport à la monumentalité, il y a quelque chose de tout à fait comparable. Tout à fait comparable aussi la manière dont l'Empire soviétique, en effet, tolère, puisqu'il s'agit d'un empire, des variantes locales, nationales, exactement comme c'était le cas dans l'Empire romain avec ses provinces, bien sûr. Donc il y a des styles nationaux, il y a des variantes, des syncrétismes dans cette ère de civilisation, de même qu'il y a aussi des évolutions. Et donc, ça me semble en effet une notion pertinente. En tout cas, ce temple romain ou soviétique de Garnie a été important dans l'idéologie nationale arménienne, notamment après le stalinisme. Oui. Parce que les sentiments nationaux en URSS ont commencé à pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus libre à partir de la période post-stalinienne, bien sûr, pas avant la mort de Staline. Et donc les années 60 et 70 sont la période de réveil du sentiment national, et c'est le moment où on voit apparaître effectivement au premier plan le rôle des archéologues et de l'archéologie, qui vient évidemment sous-tendre les aspirations nationales de chacun des peuples qui composent l'URSS. Et donc ce phénomène est sensible dans toute l'Union soviétique, y compris d'ailleurs en Russie, mais aussi dans toutes les républiques périphériques et au Caucase, bien entendu. Et donc ça n'est pas un hasard si la reconstruction, par exemple, du temple de Garnier a lieu dans les années 70, moment qui est la période de réveil du sentiment national en Arménie. Mais la chose pourrait aussi être probablement comparée à d'autres républiques dans la région. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Taline Termination, que vous êtes historienne, professeure à l'INALCO, co-directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. Habituée du Salon Noir, François Gentilly, vous êtes médiéviste et archéologue à l'INRAP. L'archéologie, on peut penser que l'archéologie a été un outil de propagande pour le régime soviétique. Oui, absolument, oui. Absolument. L'archéologue est une figure très intéressante en Union soviétique. Il y a d'ailleurs un film récent qui vient de sortir sur les écrans français, qui est sorti au mois de janvier, qui s'appelait le Moscou 1973, l'amour en URSS, un film de Shakhnazarov, et qui Et le grand-père du jeune héros, il s'agit d'un film qui évoque donc l'URSS dans les années 70, c'est justement un archéologue orientaliste, la figure de l'intellectuel respecté, impliqué dans les réseaux intellectuels, etc. Donc l'archéologue joue un rôle, bien entendu, dans les élites de l'Union soviétique. Et donc l'archéologie en tant que telle va bien entendu fournir un peu comme partout les différents arguments, des arguments de légitimité historique, de d'antériorité, de protochronie nécessaires à la confection des nationalismes modernes. François Gentilet, vous êtes médiéviste, mais vous avez à vous seul redécouvert les civilisations soviétiques et le tout par hasard ? Oui, enfin le hasard. Disons que depuis qu'on effectue presque systématiquement des diagnostics archéologiques qui permettent de retrouver, d'explorer les centres de village, les parcs seigneuriaux, bien quelquefois on est amené à découvrir des choses qu'on n'attendait pas. C'est ce qui est arrivé à la recherche de châteaux de vestiges médiévaux à Bailly en France. En France, donc dans le Val-d'Oise. Dans le Val-d'Oise, près de Paris, tout petit village maintenant méconnu. Qui a eu sa période, une période quand même d'une grande notoriété après le Front populaire. Donc j'ai été en explorant une glacière en 2004, ça va faire bientôt 10 ans. Une glacière, donc une sorte de monument 17e, 18e siècle pour conserver la glace, c'est bien oui, ça ? Oui, à partir de l'ancien régime, on commence à construire des puits à glace qui permettent de conserver la glace des étangs en l'accumulant. Ça permet de tenir, de conserver de la glace pour toute l'année. Et ces structures se retrouvent fréquemment dans les parcs seigneuriaux, apparaissent sous la forme d'une sorte de tumulus. D'ailleurs, cette structure avait été prise un temps pour une motte féodale par quelques érudits locaux. Et, donc vous voyez un trou, vous glissez, vous tombez, donc bien sûr il y a un puits à l'intérieur, et là vous tombez sur des vestiges. Oui, un amoncellement, un enchevêtrement de sculptures. Immédiatement identifié comme étant quelque chose qui n'a rien à faire là, c'est-à-dire des personnages avec des bonnets d'astrakhan, des femmes avec des... puisque c'est des représentations deux fois la nature, hein, vous imaginez des têtes deux fois plus grandes que la nature. Et puis d'un seul coup, un blason avec « Prolétaire de tout pays, unissez-vous », la faucille et le marteau. Voilà, j'étais tombé sur un monument soviétique. Alors oui, c'est quand même étonnant. Alors, quel est le monument soviétique qui a été construit en France ? Alors, il y a eu la seule possibilité, c'était l'exposition de 1937. Le grand pavillon soviétique de Boris Yofan, avec le fameux couple, l'ouvrier et la kolkhozienne. Et en l'occurrence, les propylées, c'est-à-dire de deux massifs de 20 mètres de long, de 4 mètres de haut, qui représentait les peuples de l'URSS. C'est le monument qui se retrouvait en pièces détachées dans la glacière de Baillet, lui conférant un peu l'allure d'une sorte de tombeau de l'URSS, un peu l'impression d'un peu de se retrouver un peu dans un album de Tintin quand même. Alors, on sait qu'il y a eu une expo soviétique en 1937, mais pourquoi Baillet ensuite ? Et là, on se pose la question un petit peu de l'oubli de la période récente, puisque... Et de la mémoire. Et de la mémoire. Et s'il y a un lieu de mémoire essentiel, c'est bien le parc de Baillet, puisque à l'issue du Front populaire, en 1937, l'Union des métallurgistes de la CGT va racheter le parc, le château de Baillet, et en faire, dès 1937, un grand parc pour les vacances, pour le repos, pour des métallos, avec une fréquentation absolument étonnante. L'inauguration, il y a 100 000 personnes. Donc vous allez avoir des activités, une grande piscine, enfin une activité qui ne va pas désemplir avant-guerre, et puis ça va continuer jusque dans les années 60. Et c'est une des grandes réalisations du Front populaire. Et là, en l'occurrence, pourquoi un monument soviétique ? Et là, on va se retrouver avec les différentes facettes, si vous voulez, de ce monument. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente les peuples de l'URSS, mais ça représente aussi un idéal d'émancipation à cette période. De plus, les soviétiques avaient déjà donné, par exemple, le pavillon de l'exposition des arts décoratifs de 1925, dans un style très différent. Hein. C'est le fameux pavillon de Constantin Melnikov, qui avait d'ailleurs été utilisé par les surréalistes et les quelques membres du Comintern pour faire une contre-expo coloniale en 31. Donc, de la même façon, on va donner des choses qui, de toute façon, il aurait été difficile de ramener à Moscou, c'est-à-dire ces grands massifs en béton qui vont représenter... Alors là, il ne s'agit pas du tout d'un monument russe, c'est un monument soviétique. C'est une représentation visuelle de l'URSS dans le cadre de la Constitution de 1936. Qui met les 11 républiques à égalité. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois un couple avec un médaillon au milieu qui représente les armoiries quelquefois toutes neuves qui viennent seulement d'être créées, voire qui sont en gestation de toutes ces républiques que je ne vais pas vous citer, hein, qui sont les républiques d'avant la Seconde Guerre mondiale. En 2009, vous fouillez donc cette fameuse glacière. On extrait donc les blocs un à un de ces propylées. Vous faites même venir les enfants des métallos CGT. Oui, on a même fait venir, par exemple, la fille d'un des fondateurs du parc, Michel Gauthier, qui était sur une photo de 1938 à Bayeux, qui représentait justement le propylé, le massif installé devant le château de Bayeux, on la voit tout bébé, on l'a fait revenir. On a à cette occasion essayé un petit peu de contacter, d'essayer d'obtenir pas mal d'informations sur ce qui pouvait rester de mémoire orale. Sur cette période quand même étonnante du Front populaire. Mais on arrive très vite, ça s'inscrit dans un... C'est joyeux, hein, les congés payés, des tas de gens ont fréquenté ça. Mais très vite, on est dans un contexte assez terrible. Déjà, on a le parc sert à héberger des orphelins des républicains espagnols. Et puis très vite, on va arriver à la guerre, au pacte germano-soviétique. Et le parc est réquisitionné et va devenir un camp de prisonniers politiques. Et ça, c'est pareil, c'est une mémoire qui était enfouie, totalement enfouie. En tout cas, qui a cassé les sculptures, puisqu'elles ont été cassées ? Après le camp de prisonniers politiques, ça devient un camp de jeunesse pétainiste. On arrive en 1941. Puisqu'on a dans la demande, la CGT fait après la guerre un dossier de demande de dommages de guerre, et on a des lettres de témoignage. Et une des lettres de témoignage nous précise que c'est sous l'ordre du chef du camp de jeunesse pétainiste que le monument est brisé à coups de masse. C'est une destruction volontaire à coups de masse au printemps 1941, c'est-à-dire au moment même où les nazis s'apprêtent à envahir l'URSS. Et hormis ces sculptures, que sait-on de Joseph Tchekhov, le sculpteur ? Tchekhov est une personnalité assez attachante, assez étonnante, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il est connu à la fois pour son implication avant la guerre de 14, à Paris même, puisqu'il est à La Ruche, il est à Montparnasse, etc., dans l'illustration, dans tout une réflexion sur l'art et l'illustration de l'art juif. Et va ensuite, après la guerre, développer essentiellement un programme de sculpture, et va rester et va devenir un artiste officiel durant toute sa vie, jusqu'à sa mort, devient un artiste respecté qui a des responsabilités assez importantes. Il échappe à toutes les vagues d'épuration de la période stalinienne, et il est connu pour avoir fait le footballeur, mais aussi un monument qui existe encore à Moscou et qui nous rappelle les peuples de l'URSS, qui est le monument qu'on a découvert, c'est la fameuse fontaine des peuples. Oui. Et on a retrouvé, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, on retrouvait des esquisses, un carnet qui était passé de Moscou à Jérusalem. On a à la fois les esquisses de la Fontaine des Peuples et les esquisses de notre monument soviétique de 37. François Gentilly, aujourd'hui, dorénavant, où sont ces sculptures ? Elles ont été aussi exposées selon des méthodes un peu différentes ? En deux mots ? Ah oui, on a affaire à quelque chose d'assez étonnant, puisque la Cité de la Musique a présenté quelque part un grand cadavre à la renverse, avec des statues sur un fond de sable noir brisé, exposé à plat. Le musée de Guiry en Vexin les expose un peu comme les frises du Parthénon, en regard des sculptures gallo-romaines. Et je vous invite à aller les voir en exposition à Guiry en Vexin. Une dernière question, nous évoquions au début d'émission la destruction du patrimoine depuis la chute de l'URSS. Il y a aussi la restauration ? Et là, la suite des éléments vont faire l'objet d'une campagne de restauration pour continuer à retrouver du puzzle et reconstituer nos personnages. On a à peu près la moitié d'un des deux propylés. Mais les Russes ont reconstruit aussi le monument. Et les Russes ont reconstruit le monument, voilà. François Gentilly, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre commun, Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques, publié aux presses universitaires de Rennes. Mardi prochain à 15h30, Jean-Claude, grand spécialiste de l'art des cavernes, théoricien du paléo-chamanisme, sera mon invité. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Anthony Thomasson, attaché d'émission Catherine Donnet.